ne no yakwe kongu wa asima kwatende kwet shikia mota Don't know what I'm about. I say my free time. Ghana. Boya twende kwetu. Wow, wow, wow, wow, we are. Wow, wow, we are. Wow, wow, we are. Boya twende kwetu. Wow, wow, we are. C'est la merde, c'est démodé. Le racisme, c'est la merde, c'est pour nos grands-pères, baby. Je suis à Paris, c'est chez moi. En Afrique, c'est chez toi. Je suis en Amérique, c'est chez moi. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, oui. C'est chez moi. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa Casamanceia, Casamanceia, Casamanceia, makiapa lele lele. Olo yoba tomaki makiapa lolo lele. Wanta po yoba sheshesa baku pela waka chike papele. Tapo yoba sheshesa lolo lele lele. Baza mande kukia tu isambel hala yeah. Baza mande kukia tu isambel hala. Baza mande kukia tu isambel hala yeah. Lolo wakwame Iwanangu tele kwenu lele lilala yeha Iwanangu sasule banza mande lolo wakwame Iwanangu tele kwenu lele lilala Wakile makiavu ya lolo wakwame lele Kile makiavu ya lolo wakwame lele Banza mande kukia tuisambe lolo yeha Banza mande kukia tuisambe lolo yeha Banza mande kukia tuisambe lolo yeah yeah Banza mande